Pierre Alexiowicz avait reçu une éducation qui tendait à augmenter encore la barbarie de cette partie du monde. Son naturel lui fit d'abord aimer les étrangers avant qu'il sût à quel point ils pouvaient lui être utiles. Le capitaine genevois, Lefort, fut le premier instrument dont il se servit pour changer depuis la face de la Moscovie. Son puissant génie, qu'une éducation barbare avait retenu et n'avait pu détruire, se développa presque tout à coup. Il résolut d'être homme, de commander à des hommes et de créer une nation nouvelle. Plusieurs princes avaient avant lui renoncé à des couronnes par dégoût pour le poids des affaires, mais aucun n'avait cessé d'être roi pour apprendre mieux à régner. C'est ce que fit Pierre le Grand. Il quitta la Russie en 1698, n'y ayant encore régné que 2 années, et alla en Hollande, déguisé sous un nom vulgaire, comme s'il avait été un domestique de ce même capitaine Lefort, qui l'envoyait ambassadeur extraordinaire auprès des États généraux. Arrivé à Amsterdam, inscrit dans le rôle des charpentiers de l'amirauté des Indes, il y travaillait dans le chantier comme les autres charpentiers. Dans les intervalles de son travail, il apprenait les parties des mathématiques qui peuvent être utiles à un prince, les fortifications, la navigation, l'art de lever des plans. Il entrait dans les boutiques des ouvriers, examinait toutes les manufactures. Rien n'échappait à ses observations.